prends le temps, sagesse persane, prends le temps de travailler, c'est le prix du succès. Prends le temps de réfléchir, c'est la source du pouvoir. Prends le temps de jouer, c'est le secret de la jeunesse. Prends le temps de lire, c'est la base du savoir. Prends le temps de rêver, c'est le chemin vers les étoiles. Prends le temps d'aimer, c'est la vraie joie de vivre. Prends le temps d'être heureux, c'est la musique de l'âme.